La pierre, c'était leur gueuleton. Le ciel, c'était leur plafond. Les hommes, des cailloux tout ronds. Nos fenêtres donnaient sur le mont du péril, et la pluie mouillait ma cuirasse. Et moi, roulant en boule sur la terrasse, je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais à me muscler, les bras comme du métal. Darugna était fier de moi. Il était généreux, comme ceux de la tribu, et je lui dois ce que je suis. Au nord, c'était les Gorons. La bière, c'était leur gueuleton. Le ciel, c'était leur plafond. Les hommes, des cailloux tout ronds. Et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la brume du volcan en feu. Et j'avais des rochers à défaut de cailloux. D'en haut je voyais le royaume. Mon père était Goron comme l'étaient ses parents. En plus il avait les Vosges blancs. Il était de la grotte comme on est d'un pays. Grâce à lui je sais qui je suis. Au nord, c'était les Gorons. La bière, c'était leur gueuleton. Le ciel, c'était leur plafond. Les hommes, des cailloux tout ronds. Y'avait à Cacarico, le jour de la kermesse, une gravure de la princesse. Et chaque paire de seins était un diamant rose, posé sur fond de silicone. Il parlait de Link et aussi de Ganon, des accidents d'il y a 7 ans. Ils aimaient le royaume comme on aime un pays. C'est complètement con ce que je dis. Au nord, c'était les Gorons. La bière, c'était leur gueuleton. Le ciel, c'était leur plafond. Les hommes, des cailloux tout ronds. Les grottes, c'était leur maison. Et Link, leur héros de chanson.